Vous n'avez pas vu Matron Novakovic, parce que là... Bah non, sinon j'aurais tout de suite... Avec certaines personnes s'agenouillent dans la rue quand ils la croisent, hein, je vous assure. Mais nous allons maintenant, si vous le voulez bien, attaquer oui. les problèmes des auditeurs d'RTL en vous souhaitant une belle journée. Bonne Merci mission. Beaucoup. Et alors, il y a la mission qui nous est envoyée par Vincent. Je vous appelle de Maine-et-Loire où j'ai ouvert une baraque à frites. J'ai commandé un groupe électrogène au prix d'une plateforme d'achat. Le groupe électrogène est tombé en panne et depuis c'est la catastrophe. J'attends toujours qu'on me le répare. J'ai dû en louer un autre. Et puis, énorme cavoyage, celui de Cécile. Je vous appelle de l'Ain. Notre vol, New York-Paris, avait plus de 6 heures de retard. La compagnie aérienne a justifié son retard par des difficultés d'exploitation et nous a remboursé 600 euros par personne. Ce qui est cocasse dans l'histoire, c'est que pour mon fils, qui était aussi dans l'avion, le motif était cette fois urgence médicale d'un des passagers. C'est vraiment un truc de dingue et on a envie de savoir ce qui s'est passé. Voici la Dream Team, mesdames et messieurs, la grande avocate pénaliste au barreau de Paris est là, Maître Novakovic. Bonjour Sylvie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a Maître Felonneau qui est avec nous. Bonjour à tous. Il y a la double négociation, Hervé et Bernard. Bonjour. Toutes les équipes sont là pour vous aider. Vous écoutez le 9h30, 11h d'RTL. C'est parti. Pour nous joindre, c'est le 32 10. 50 centimes d'euros la minute. Ou le Facebook, la page Ça peut vous arriver, ou encore RTL.fr. Vois-tu, alerte ou patraque, peut-être victime d'une arnaque. J'ai quelqu'un pour te soigner, appelle Julien Courbet. Alors nous allons parler de ce voyage. Cécile est en ligne avec nous. Cécile, bonjour. Oui, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes hôtesse de l'air, Cécile ? Pas du tout. Ah bon, parce que j'avais l'impression quand vous avez dit bonjour. Oui, bonjour à toute l'équipe. Non. Un service de rafraîchissement vous sera proposé dans quelques instants. Mais en attendant, une passagère aimerait vous raconter une belle histoire, cher passager. Allez-y, Cécile, racontez-nous. Donc, nous avons voyagé en juillet dernier, en samedi, sur un vol New York-Paris. Notre vol a affiché plus de 6 heures de retard. Nous avons donc déposé une réclamation auprès de la compagnie aérienne. Nous avons plus exactement déposé deux réclamations parce qu'il y avait deux dossiers de réservation. Pour le premier dossier, tout va bien. On nous rembourse très vite l'indemnité forfaitaire de 600 euros par personne à laquelle nous avons droit. Et par contre, pour le deuxième dossier... Cécile, est-ce que vous avez un kit main libre ? Absolument pas. Et alors, peut-être que vous ne tenez pas bien le téléphone. Essayez de mettre, parce qu'on vous entend très très mal, de le mettre vraiment près de la bouche. Je vous écoute, continuez. Donc en fait, pour le deuxième dossier... là, tout se complique, puisqu'en fait, on nous invoque un problème médical. Et donc là, c'est un dialogue de sourds et il ne se passe plus rien. Alors vous avez été remboursé. L'objectif, c'est que la compagnie aérienne rembourse votre fils, comme elle l'a fait pour vous. Enfin, j'espère que tout le monde, là, vous êtes en train de nous écouter, vous comprenez bien ce qui s'est passé. C'est comme si quelqu'un arrivait et disait à l'arrivée du vol, « Bon, on a eu quelques problèmes, donc... » Toi, problème technique, t'es remboursé. Toi, non, il n'y avait pas de problème technique. La droite de l'appareil, il marchait très bien. La gauche, il ne marchait pas. Et voilà, c'est un truc d'idiot. Voici maintenant le coup de gueule de Bernard Sabat. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Oui, parce qu'on peut le dire maintenant, son vrai nom, c'est Bernard Sabat. Mais merci, comme il trouvait que ce n'était pas très radiophonique, il se fait appeler Bernard Sabat. Allez-y. Écoutez, Julien, c'est la première fois que je vois ça, en plus, pour une compagnie connue et reconnue. Sur le même vol, on n'utilise pas le même argument, on ne rembourse pas. Et ce qui est beaucoup plus grave, Julien, c'est que on peut avoir un bug informatique. Ça veut dire que parfois, on se dit, l'ordinateur s'est trompé, on a répondu, on a donné une mauvaise réponse. Mais là, quand le client, en l'occurrence le fils, dit « j'étais sur le même vol », que mes parents, j'étais pas sur le même dossier, j'ai fait une réservation à part, on lui dit, monsieur, non, mais on changera pas notre argument, il y a eu un souci médical. Alors, nous pouvons aussi peut-être mettre ça sur le compte d'une erreur informatique, Maître Felonneau, mais quoi qu'il arrive... Oui. On pouvait le penser au départ. Mais la seule chose, c'est qu'à la suite d'une réclamation des parents disant « Mais attendez, je ne comprends pas, il y a deux passagers, il y a deux traitements différents, que se passe-t-il » Eh bien, la compagnie, au lieu de dire effectivement « Zut, on a fait une erreur », persiste et dit « Non, pour vous, c'est une erreur D'accord. technique qui a d'ailleurs, Julien, été prévue dès le matin, puisqu'ils ont reçu un SMS disant que l'avion aurait du retard. Et pour leur fils, eux, c'était un passager qui avait eu une urgence médicale. » Alors, Maître Felonneau, je vais me permettre de poser une petite question à Maître Novakovic. Est-ce que, dans ces cas-là, le mot discrimination, vous qui avez l'habitude de faire du pénal, etc., si l'un est remboursé, l'autre non, peut être invoqué ? Oui, bien sûr. Le fait que comparativement, dans la même compagnie, vous ayez deux personnes effectivement qui ne sont pas indemnisées de la même manière, eh bien, un rééquilibrage qui sera fait par le tribunal. Alors nous allons appeler, mais il me tarde de savoir. Encore une fois, ce qu'a dit Maître Fellonneau est important. Ce n'est pas comme s'il y avait pu avoir une erreur. Bien sûr. Ils ont protesté. On leur a dit non, on maintient nos positions. Oui. Bon, eh bien, alors, écoutez. Sinon, moi, je pense qu'on les prend en flagrant délit de mensonge, et c'est bien inquiétant. Allez, il faut appeler Bernard rapidement. Oui, juste un point important. Si on donne justement cette pénalité de 600 euros aux passagers, c'est que la loi et la directive européenne est claire. Une compagnie aérienne européenne, quel que soit l'aéroport de France ou justement de l'étranger, si le vol est en retard de plus de 3 heures, on doit 600 euros, puisqu'on est à plus de 4000 km, Julien. C'est parti, Charlotte. Nous faisons donc le numéro de la grande et noble compagnie. Ça n'enlève rien à la qualité de ses voyages, à la sécurité à bord. Mais là, sur le remboursement, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc c'est le service client que nous appelons, mesdames et messieurs. Et après, il y aura peut-être une règle d'or de Bernard qui nous rappellera quand vous arrivez. Allô ? Bienvenue chez Air France. D'ailleurs, vous nous rappellerez combien doit-on se faire indemniser quand il y a 4 heures de retard, 6 heures de retard, selon que je vais en Espagne ou bien en Amérique du Sud, etc. Tout ça, le problème technique, l'aléa aussi, parce qu'il y a malheureusement la force majeure où des fois ils nous disent on ne peut pas pouvoir vous rembourser. Donc vous récupérez vos copains, mon cher Bernard. Dès qu'il y a, je vous en prie, quelqu'un qui répond, je veux la petite alerte, de manière à lancer la négociation sur l'antenne. Votre cas, maître. Alors récupérez Charlotte, parce que là, la dame, elle m'entend parler à Bernard. Le cas de Maître Novakovic, c'est Vincent. Rappelez-nous, Céline, de quoi il s'agit. Eh bien, Vincent a ouvert une baraque à frites, 1749 euros pour un groupe électrogène qui est en panne depuis mi-septembre. Elle va s'en occuper. Et puis, Maître Novakovic, vous n'étiez pas là hier, mais je suis sûr que vous avez été très touché par ce mouvement que nous avons lancé pour mettre en avant l'amour que nous avons pour les chiens. Vous en avez vous-même plusieurs. Nous avons décidé de prendre une mascotte dans l'émission, un chien d'aveugle. Il s'appelle Napo. Il y a une nouvelle photo, d'ailleurs, je crois, qui est sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, ainsi que sur la cagnotte Litchi. Alors le petit Napo, il faut le former pour qu'il aide un non-voyant. On fait ça symboliquement pour montrer que le chien est le meilleur ami de l'homme et qu'il ne faut pas les maltraiter, qu'un chien est capable de donner sa vie pour son maître. Il va changer complètement le quotidien. D'ailleurs, je reprends rapidement. Monsieur Charles, bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes le président de la Fédération française des chiens guides d'aveugles. On en est à 7604 euros. On rappelle qu'il nous faut 25 000. Et on rappelle que ça change complètement le quotidien d'une personne non-voyante. Julien, vous êtes en face de quelqu'un de très heureux et qui remercie l'ensemble des auditeurs de RTL. J'en en pensais pas moins d'eux, de cette générosité qui, par votre intermédiaire, est super. Julien, encore merci. Bon, alors on rappelle que c'est beaucoup de travail hein, pour ce toutou. Ah, c'est énormément de travail, énormément de travail. Un éducateur éduque à peu près 3 chiens guides par an. C'est pour vous donner le temps nécessaire à donner cet apprentissage. Voilà, et derrière ça, on rappelle qu'on est là pour dire que le chien doit être bien traité en toutes circonstances. Ah, voilà, et qu'on ne peut pas. C'est notre souci majeur, ça, Julien. Bon. D'abord, eh ben, le bien-être super. De l'animal. Le bien-être. Allez, on essaie d'aller à 25 000. J'arrive, Maître Novakovic. Simplement, la cagnotte. Offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL avec nos amis de Litchi, leader des cagnottes. Offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL. 5 euros, 4 euros, 3 euros, chacun donne comme il peut. On est à 7 604 pour aller à 25 000. Ah, super, je trouve super. Que c'est une excellente initiative et vraiment j'invite tous les auditeurs d'Inter à se mobiliser parce que même un euro, si on multiplie le nombre d'auditeurs, croyez-moi, ça peut faire une énorme cagnotte. Et on va passer dans les couloirs d'Inter, tout le monde va donner. Bon, on vous retrouve pour vous faire un petit point très rapidement, monsieur Charles. Quand vous le souhaitez, Julien. Merci. Sans aucun problème. Voilà, mesdames et messieurs. Tous vos auditeurs. Merci à eux, bien sûr, ils sont fantastiques. Ce sont les meilleurs, les auditeurs d'RTL. C'est pour ça que nous les aidons chaque jour. L'histoire du vol, l'histoire de la baraque à frites. On est sur RTL. Et on est bien. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Une question. Le jour de la révision de votre voiture, comment faites-vous ? Vous allez travailler en fusée interstellaire ? Ou à dos d'âne ? Chez Renault Service, on vous prête un véhicule de remplacement le jour de la révision. C'est quand même plus pratique. Et en plus, vous avez l'assistance incluse pendant un an. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Alors, cette foire à la viande. Bon ben, vous fâchez pas, hein. Mais en ce moment, les 4 hachés au porc français façon savoyarde sont à 3,99€ les 720 grammes. 3,99€ les 4, 1€ pièce, et je dois me poêler. Des hachés à poêler ? Ah oui, hein, à moins 20%. Et barder de l'art, patron. Pour Pourtant, si ça va barder, hein, t'es mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 5,54€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 30 octobre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Innovation Manae. Bouffée de chaleur, sueur nocturne, problèmes articulaires. Pourquoi la ménopause devrait-elle changer les femmes ? Restez vous-même avec Manae Préménopause Ménopause. Une formule exclusive sans aucune source d'hormones, à base d'oméga 3, de vitamines et minéraux. Et pour apporter confort et bien-être articulaire, Manae s'enrichit de curcuma pour préserver les articulations. Manae, l'innovation des laboratoires NutriSanté. En pharmacie et parapharmacie. Pour plus d'infos, rendez-vous sur manae.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Feu vert sort ses griffes. Jusqu'au 27 octobre, 1€ les plaquettes de frein Bosch et Valeo First. C'est imbattable. Offre soumise à la pause, voire conditions sur feuvert.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Un cas qui est très surprenant, car c'est la première fois que nous en traitons un en 20 ans d'émission, c'est celui du vol, et je parle pas du vol piqué, mais du vol de l'avion. Oui, c'est Cécile, elle est partie en vacances. Sur le vol retour, il y a 6 heures de retard. Elle, elle est bien indemnisée de 600€, mais son fils, non. Et pourtant, ils étaient bien dans le même avion. Bernard, nous avons appelé la grande compagnie française. Avez-vous quelqu'un en ligne ? J'entends une alerte. Oui, Julien, j'ai quelqu'un en ligne. Alors, bonjour. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous ? Je vous explique, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL et je me permets de vous appeler car une dame nous appelle pour nous dire qu'elle est partie avec son mari et son fils aux États-Unis. Il y a eu plus de 6 heures de retard. Cette dame et son mari ont été indemnisés, tout à fait normalement, et son fils, on ne l'indemnise pas alors qu'il était dans le même avion. Parce que lui, on évoque une urgence médicale d'un des passagers, alors que pour les parents, c'était un problème technique. Alors là, on ne comprend pas. Et alors qu'il n'y a eu aucune urgence médicale en plus. Et il n'y a pas eu d'urgence médicale. Donc, dans un premier temps, ils ont dit à Air France, bon, bah, écoutez, vous avez dû vous tromper. Et Air France se maintient, non, non, pour nous, il y a une urgence médicale, alors qu'ils ont remboursé les autres pour problème technique. Alors voilà aujourd'hui où nous en sommes. Deux remboursés dans l'avion, un pas remboursé dans le même avion. Comment pouvez-vous nous aider, monsieur, s'il vous plaît ? Donc, dans ce genre de cas, monsieur, il y a toujours une alternative que Air France, le service client d'Air France, met à la disposition des passagers. Donc, quelle est cette alternative ? On vous laisse toujours les passagers à déposer une contestation par rapport à un traitement de dossier. Elle a été faite ? Elle a été faite, donc, et alors pouvez-vous la lire, Maître Fellonneau, à ce monsieur ? Elle a été faite, cette réclamation, pour un des passagers, ça a été non, monsieur, c'est un cas de force majeure, urgence médicale. Pour l'autre, oui, madame, vous êtes indemnisée parce que c'est un problème technique. Il y a eu une nouvelle réclamation en disant comment se fait-il que dans le même avion, les mêmes membres d'une famille ne soient pas traités de la même façon ? Et vous avez confirmé le 26 août, après avoir de nouveau examiné attentivement votre demande, je ne peux que vous confirmez les termes de notre précédent courriel, et ça veut dire que vous n'aurez pas d'indemnisation. Mais, monsieur, je ne pense pas que ça se règle peut-être à votre niveau. Peut-être pouvez-vous me passer un superviseur, ou devons-nous appeler plus haut ? Oui, effectivement. Lorsqu'il s'agit déjà de ce numéro-là, c'est le service pour les informations et pour les suivis des dossiers. D'accord. Donc, c'est pas sur ce service-là qui traite tout à fait les dossiers. Bon, c'est le service et client, mais c'est pas grave. Sur mais un autre service, bien d'accord. Sûr. D'accord. Alors vous me conseillez-vous d'appeler qui alors ? Donc il y a toujours, si vous regardez bien. Non mais dites-moi qui, monsieur, dossier, juste. Il y a toujours un numéro qui s'affiche. Mais lequel, monsieur ? Dans chaque dossier. Oui. Donc dans ce genre de cas, par exemple, sur votre dossier, à la date du 7 juillet, lorsqu'on vous a répondu, il y a le numéro du service client qui s'affiche. D'accord. Alors on va appeler le service client. Julien, c'est le même, hein, c'est le 0892 qu'on vient de faire. Donc, alors, monsieur, on a fait le 0892 70 26 54. Ne serait-ce pas celui-là que vous me conseillez de faire ? Le 08, c'est le numéro du service des réservations. Ah, moi j'ai service client, 0892 70 26 54. Bon, écoutez, on va essayer de faire la lumière là-dessus, c'est pas très clair tout ça, mais on va s'arranger. Je vous remercie, monsieur. Bonne journée. Excellente journée, au monsieur. Au revoir. Ça m'inquiète un peu quand même, tout ceci. Je ne sais pas si ce monsieur passait là par hasard, ou etc. Mais en tout cas, c'est un peu inquiétant. Donc, ce fameux numéro 892, c'est vrai qu'on peut faire une réservation, mais il y a aussi le service réclamation, qui est la touche. Alors, si, c'est ce qu'on a fait. Il y en a direct, un autre. À sa décharge, il y a un autre qui est un 01, qui serait un autre service client, qu'on va tenter, si vous le voulez bien, dans quelques instants. Ce n'est pas le même, hein, Charlotte. C'est un numéro différent. Bon, alors on y va, vous me le faites, et dès que quelqu'un décroche, on le prend. On attaquera le cas numéro 2 après avoir écouté le grand Jean-Jacques Goldman, qui revient en disant « Quand la musique est bonne », en 1982. Et nous étions tous complètement dingues de ce titre, car les plus grands standards, vous le savez, sont sur RTL. Dans une seconde, nous aurons de nouveau Air France. Et la cagnotte est à 8000 euros, mesdames et messieurs. Les auditeurs d'RTL sont fantastiques. Je les aime. J'ai trop saigné sur les Gibson. J'ai trop rodé dans les tornades. La musique est bonne, c'est Jean-Jacques Goldman sur l'antenne d'RTL. 9h48, voici un point sur le premier cas. Le cas d'Air France, s'il vous plaît, Céline. Cécile est partie en vacances avec son fils. Leur vol a eu 6 heures de retard. Elle est bien indemnisée de 600 euros, mais pas son fils. Ce qui est dingue, c'est que donc on dit à elle et son mari, vous avez été indemnisés car nous avons eu un problème technique. On dit à son fils, vous ne serez pas indemnisé car il y a eu une sorte de cas de force majeure. L'avion a dû ne pas partir à cause d'urgence médicale. Mais la même personne qui dit ça, c'est la même personne. Oui, en fait, c'est la même signataire qui, une fois dit « je vous donne 600 euros » et le même jour dit « non, vous n'aurez rien ». C'est curieux quand même. Nous avons eu le siège qui nous a renvoyé, en tout cas le service client qui nous a renvoyé vers un deuxième numéro que vous avez fait, Charlotte. Oui, on aura quelqu'un sur ce numéro-là juste après 10h. Ah, ça marche. Alors, on va appeler à 10h pour essayer d'avancer sur ce dossier complètement hallucinant avec des écrits où l'on dit à deux passagers « vous êtes remboursés, on a eu un problème technique » et aux autres « non, pas toi ». Non. Toi, tu rentres. Non, toi, tu rentres pas. Toi, tu rentres dans l'avion. Toi, tu rentres pas. Non, on prend pas les baskets. Non, t'es accompagné. Non, tu rentres pas. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Un pare-brise en parfait état, sans aucun impact ni fissure, est la garantie d'un confort de vision optimum. Voir la route dans ses moindres détails vous permet d'anticiper en toute sécurité et surtout, de profiter pleinement des sensations de conduite de votre Peugeot.

l'affiche effectivement qui concerne ce bien, donc ce groupe électrogène, il y a marqué que le SAV, et donc c'est ce qui est peut-être déterminé Vincent d'ailleurs à acheter ce bien, c'est que le SAV, il y a plus de 350 points de SAV en France soi-disant. Or là, on s'aperçoit dans ce dossier que le SAV est en Espagne, ce qui explique cette longueur. Ouais. Donc là, il y a un vrai souci. Donc il faut qu'il nous explique tout de suite pourquoi il y a cette publicité mensongère, pourquoi est-ce que dans la fiche descriptive, on donne quelque chose de totalement différent de la réalité. Alors nous avons, vous avez posé cette question Vincent parce que là, peut-être le constructeur est espagnol. Non, j'étais un peu désarmé. Alors, puis j'étais plus dans mon activité plutôt que de devoir gérer ça en plus. Alors, ça m'a surpris, mais après, voilà, j'ai pas relevé plus que ça, quoi. J'ai pas eu le temps, quoi. Écoutez, je propose que nous les appelions. C'est parti. Nous allons faire Charlotte le numéro. Alors, est-ce que vous voulez appeler la plateforme d'achat ou est-ce que vous voulez appeler le vendeur directement ? Oh, le vendeur directement, je pense. C'est mieux. Maître Novakovic. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je tenais également à préciser que, en attendant, il loue effectivement un groupe électrogène. Donc il faut également qu'il demande le remboursement de sa location. Tout à fait. Après, vous m'expliquerez la différence entre le vendeur et la plateforme d'achat. J'ai pas bien compris. Alors en fait, la plateforme, c'est le site internet sur lequel il est intermédiaire. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est-à-dire un site où sur l'écran, on a plein de vendeurs. Il a cliqué sur l'un pour acheter ça. D'accord. Voilà. Alors là, nous sommes toujours en attente. Vous me faites la petite alerte dès que ça revient. Vous récupérez, oui. Hervé. Bien, en espérant que Vincent, nous pourrons faire revenir ce groupe électrogène d'Espagne très rapidement. Nous attendons donc des nouvelles du cas numéro 1. Nous lancerons un troisième cas Céline dans une seconde sur l'antenne d'RTL. On parlera de Nelly qui appelle pour sa maman de 83 ans. Elle a acheté une maison à 100 000 euros. Ça devait être livré en décembre dernier. Et sur la cagnotte Litchi, nous sommes à 8 369 euros. Vous êtes de plus en plus nombreux. 507 déjà ont participé. Certains donnent 3 euros, 5 euros, 10 euros pour cette cagnotte. Et pour ce petit toutou qui est adorable, avec une nouvelle photo, on le voit, c'est la nouvelle mascotte d'RTL, il s'appelle Napo, et bientôt il va aider une personne non-voyante à vivre dignement, ça sera sa compagnie. On a appris hier qu'on lui apprend métro, quand on dit métro au chien, il va directement à la station de métro, et il sait qu'il faut s'arrêter à chaque trottoir, etc. Quand on lui dit boulangerie, il connaît parfaitement le chemin de la boulangerie, ça demande énormément de temps, c'est pour ça qu'il faut 25 000 euros, et ça prouve que le chien nous aime, qu'il est intelligent et qu'il faut le respecter. A tout de suite sur RTL. EDF Entreprises propose des offres et services adaptés à ses clients professionnels. Isabelle Afonso, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller EDF Entreprises et vous allez nous parler du pack performance. Alors, de quoi s'agit-il au juste ? Eh bien, le pack performance d'EDF Entreprises, c'est à la fois un contrat de fourniture d'électricité et un service de suivi de consommation sur une durée de 3 ans pour aider le client à maîtriser sa facture. D'accord. Et comment ce pack performance simplifie-t-il la vie des professionnels ? Eh bien, par exemple, une entreprise peut suivre sa consommation d'énergie sur une plateforme dédiée. Elle va recevoir des alertes en cas de dérive, elle peut même partager les informations avec ses collaborateurs et réagir rapidement et efficacement si besoin. Et pour le contrat de fourniture d'électricité ? L'offre protège le client des hausses des prix du marché de l'électricité pendant une période de 3 ans. Si les prix diminuent, il bénéficie alors de cette baisse. C'est une offre simple, il n'y a aucune obligation de consommation. Et puis pendant cette période, le client peut se concentrer sur son activité. Très bien. Et si on veut se renseigner sur ce pack performance ? On va tout simplement sur le site d'EDF Entreprises où on appelle son conseiller au 3022. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. Business Affaires. Appel gratuit. Voir caractéristiques et conditions des offres sur edf.fr/entreprise. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Sophie est artisan fleuriste. Aujourd'hui, elle a coupé 600 fleurs, livré 9 bouquets et rendu 3 femmes follement amoureuses de leur homme. Ah, j'oubliais. Sophie a aussi fait réviser son véhicule Renault en 1 heure. Et ça, c'est un vrai plus. Avec le réseau spécialisé Renault Pro Plus Premium, bénéficiez de services d'entretien adaptés aux pros. Comme un véhicule de remplacement de même catégorie, un accueil dès 7 heures et des tarifs sur mesure. Offres et services réservés aux professionnels sur les véhicules Renault dans le réseau spécialisé Renault Pro Plus Premium. Liste des affaires et conditions sur Renault.fr. Dites donc, vous ? Moi, Madame Latsou ? Bah oui, vous ! Vous saviez qu'Akena fabrique aussi des pergolas ? Ah oui. Et pas n'importe lesquelles, des pergolas bioclimatiques. Pour profiter de votre terrasse, les pergolas Akena, c'est extra. Et elles sont sur mesure aussi ? Monsieur Akena, on fait ce qu'on veut ! Même avec les pergolas. Je me suis regardé, hein ? Ah oui ? Bah, qu'est-ce qu'il croit, celui-là ? Takena, la reine des vérandas. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Sylvain Mougenot, à Chambéry, nous dit pourquoi. J'ai une bonne écoute déjà au départ. J'aime bien des lunettes discrètes, donc on va forcément aller chercher des montures qui correspondent à ce type-là. Et après, ils vont peut-être oser aussi des choses. Tiens, c'est peut-être discret, mais regardez, là, c'est peut-être un peu plus marqué. Et après, en regardant, on dit oui, effectivement, ça fonctionne, quoi. En fait, on me guide dans mes besoins et tout ce qu'on me propose me va. C'est vraiment du conseil et le conseil est toujours à propos. En plus, mon opticien m'a parlé de l'objectif zéro dépense et c'était franchement une bonne surprise, quoi. Thierry Hussey, l'opticien Optique 2000 de Monsieur Mougenot à Chambéry. Pour nous, le plus important, c'est d'accompagner nos clients dans le choix des montures, mais aussi et surtout dans le choix des verres, en leur proposant les dernières technologies, tout en respectant leur budget. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, on gère tout pour nos clients. Alors, Monsieur Mougenot, content d'Optique 2000? Complètement. Et en plus, je ne me suis occupé de rien. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Deux cas ont été lancés, le cas voyage, étonnant, nous aurons du nouveau après 10h, et le cas du groupe électrogène également. Merci d'avoir choisi RTL. À la seconde près sur RTL, il est 10h. L'information, c'est avec vous, Agnès Bonfillon, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Nouvelle évacuation d'un camp de migrants ce matin à Grande-Synthe, dans le Nord. 1800 personnes y vivent, en grande majorité des Kurdes irakiens. Un important dispositif policier a été déployé un peu avant 7h30. Selon la préfecture, toutes ces personnes ont été prises en charge et mises à l'abri dans des structures d'hébergement. Les mutuelles risquent d'augmenter pour compenser le reste à charge zéro pour certaines lunettes et prothèses. Souvenez-vous, ce fameux reste à charge était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Du coup, cette gratuité n'en serait plus une, puisque les assurances complémentaires seraient en hausse de 7% environ. Les premiers concernés seraient une nouvelle fois les retraités. Après un faux départ l'année dernière, le procès de Georges Tron débute aujourd'hui. L'ex-secrétaire d'État doit répondre aux assises de viol en réunion sur deux de ses anciennes employées à la mairie de Draveil, commune dans laquelle il exerce toujours le mandat de maire. Il nie ces accusations. Les débats doivent durer 4 semaines. En Turquie, Erdogan promet de dire toute la vérité ce matin devant les parlementaires. Vérité sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il y a 3 semaines, souvenez-vous, cet opposant au régime de Riyad s'était rendu au consulat de son pays à Istanbul. Il n'en est jamais ressorti. Son corps, lui, n'a pas été retrouvé, ce qui a provoqué beaucoup d'émotion et d'indignation dans la communauté internationale et qui explique que de nombreux pays ont décidé de boycotter le forum économique qui s'ouvre aujourd'hui en Arabie Saoudite. Des hôtels qui font le plein, des terrasses bondées, des restaurants qui ne désemplissent pas. Le beau temps que nous avons eu depuis la rentrée a eu un effet très concret sur le tourisme. Hausse de 8% pour les mois de septembre et octobre. C'est une étude du cabinet ProTourisme que vous révèle RTL. En termes d'activité, cela représente 200 millions d'euros supplémentaires. Certains établissements ont vu leur chiffre d'affaires bondir de plus de 40%. La météo, justement, aujourd'hui, du soleil sur la majeure partie du pays. Seuls quelques nuages près des frontières du nord-est, également vers les côtes basques et landaises. Partout ailleurs, donc, du soleil. Côté température, ça se rafraîchit un petit peu quand même. Cet après-midi, 15 à Metz et Clermont-Ferrand, 16 à Lille, 17 à Caen, Lyon, 18 à Paris, Orléans et Grenoble, 19 au Mans, Nantes ou encore Toulouse, 20 à Cognac et Bordeaux, 22 à Nice et Montélimar, 24 à Ajaccio et Toulon. La Bourse de Paris ouvre en net repli ce matin, moins 1,21%. Le CAC 40 s'établit à 4991 points. Enfin, les courses ont lieu à Deauville aujourd'hui. Les pronostics sont signés Claude Pierre-Santi. Il faut jouer le 5, le 2, le 3, le 13, le 7, le 14, le 9 et le 8, dernière minute, le 13. Il est 10h03 sur RTL. Julien Courbet et toute son équipe en forme, comme d'habitude. Comme d'habitude, vous avez bien raison de le préciser. Et c'est pas prêt de s'arrêter. À tout à l'heure, 11h. À tout à l'heure. Au revoir, Madame Bonfillon. Il est 10h03. C'est parti pour le point info sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30 dans votre émission RTL en direct. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Nous avons démarré avec cette histoire hallucinante, quand même, de compagnie aérienne qui indemnise certains passagers et pas d'autres. C'est s'il est parti en vacances, 6 heures de retard sur son vol New York-Paris, la compagnie l'indemnise bien, mais pas son fils. Pourtant, ils étaient dans le même avion. Deux raisons invoquées différentes, Maître Fellono. La première pour ceux qui vont être remboursés. Ben, problème technique. Et la deuxième pour ceux qui sont dans le même avion et qui ne sont pas remboursés. Urgence sanitaire pour un passager. C'est quand même fort, et c'est la même personne qui envoie les deux courriers apparemment. Où en est-on avec nos amis d'Air France? On devait donc rappeler, donc, après 10 heures, un fameux numéro du service client, Julien. Et entre-temps, sachez que j'ai reçu un texto de la direction d'Air France qui écoutait l'émission. Et donc, automatiquement, ils disent, on va regarder le dossier. Bien sûr. Et il n'empêche que ça reste une compagnie, une des meilleures au monde. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, et peut-être l'une des plus sûres et des plus confortables. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, Charlotte? Oui, on a le service réclamation en ligne, si vous le souhaitez, de Air France. Ah, parfait. Vous les prenez, Bernard? Je les prends, Julien. Juste après, vous me les basculez sur l'antenne pour que la négo ait lieu, oui. Parce que là, nous avons une minuscule pause à faire et on attaquera le deuxième dossier. Oui, on reviendra sur Vincent et son groupe électrogène qui est tombé en panne et depuis, pas de nouvelles. Et Maître Novakovic a très envie de parler au vendeur qui annonce qu'il a des SAV dans toute la France mais qui envoie le matos en Espagne. Du coup, il n'a plus de groupe électrogène pour sa baraque à frites. A tout de suite sur RTL. Alexandre, client Netatmo. Quand on est médecin, les imprévus, ça fait partie du métier. Mais pour assurer le confort de ma famille, pas question d'improviser. Notre appartement est équipé d'un chauffage collectif et j'ai installé sur mes radiateurs des têtes thermostatiques intelligentes Netatmo. Depuis, c'est ambiance cocooning à la maison. Je peux choisir la température idéale pour chaque pièce. Ça me rassure de les savoir bien. Et avec les économies que je fais, je vais pouvoir encore plus les gâter. Comme Alexandre, choisissez Netatmo, des solutions de chauffage intelligentes pour allier confort et économie. En ce moment, jusqu'à 50 euros remboursés sur nos solutions de chauffage intelligentes. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. Oh non, mais les ados. Ma fille, le week-end dernier, qui me dit que c'est plus une enfant, qu'elle veut plus d'autonomie. Ah, classique. Et t'as fait quoi, alors? Je lui ai prêté mon Huawei Mate 20 Pro avec ses deux jours d'autonomie. Ah, t'es bête. Du 16 au 25 octobre, la Huawei Watch GT avec ses 15 jours d'autonomie d'une valeur conseillée de 199 euros est offerte pour toute précommande d'un Huawei Mate 20 Pro. Autonomie testée dans les conditions normales d'utilisation d'à 0,40 watts. Modalité de l'offre sur huawei-offre.fr. En ce moment dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Karim demande à une responsable du rayon frais. Je suis un peu pressé, vous auriez un bon jus de fruits? Le pur jus réfrigéré innocent, pomme framboise, pomme mangue ou pomme poire pêche. Pour une bouteille de 900 ml achetée, la seconde est offerte, soit les deux bouteilles à 1,99€. 1,99€, vous savez aussi presser les prix. Oh, quel esprit! Mais n'oubliez pas, les ventes privées live, c'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. 1,11€ le litre, transformé en Union Européenne. U. Commerçons autrement. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bonne matinée en compagnie d'RTL. Les problèmes de prostate touchent plus d'un homme sur deux après 50 ans, ce qui peut engendrer une baisse de leur qualité de vie et celle de leurs proches. Parlons-en avec le docteur Mimoun. Mireille, vous avez 68 ans et votre mari souffre de troubles urinaires. Quelles en sont les conséquences au jour le jour? Mais je dirais plutôt nuit après nuit parce qu'il est obligé de se lever et ça me gêne autant que lui puisque ça me réveille. Rassurez-vous Mireille, les troubles urinaires de votre mari ne sont pas une fatalité. Ils sont même plus fréquents avec l'âge. En plus de conseils hygiéno-diététiques simples, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoir et pince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Dans le 9h30-11h sur RTL, nous avons donc Vincent qui nous explique qu'il galère avec son groupe électrogène qui n'est toujours pas réparé. Il l'a acheté chez Capitouls. Capitouls se trouve à Cérisse, dans le 77, 32 cours de la Garonne, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres Capitouls. Donc nous essayons d'avoir le gérant qui ne souhaite pas nous parler. C'est dommage parce que je pense qu'il n'a rien à cacher. Il n'y a pas de secret. Ah, nous sommes en ligne sur RTL, monsieur, je tiens à vous le dire. Alors, est-ce que vous voulez... Vous n'êtes pas obligé de me parler si vous le souhaitez. Mais là, si vous parlez, vous sachez que vous serez sur RTL. Eh bien, écoutez, sans problème aucun. Bon, alors, simplement, monsieur, tout va bien. Il n'y a rien de très grave, mais on essaie d'aider quelqu'un qui vous a fait confiance. Depuis combien de temps, Vincent, le groupe électrogène acheté là-bas est en réparation? Eh bien, il est parti. Moi, il est tombé en panne le... 13 juin, pas 13 juin, c'est déjà date d'achat. Le 14 septembre, il est tombé en panne et il est reparti la semaine suivante. Ouais. Monsieur, donc juste, on vous appelle pour essayer de voir comment on peut aider ce monsieur qui galère du coup parce qu'il a besoin d'un groupe électrogène. Et qu'est-ce qu'il y a de si grave pour que depuis le 14 septembre, on n'ait pas pu le réparer? Alors, je n'ai pas le détail exact des problèmes techniques de ce groupe électrogène. Après vérification à l'instant, on vient de me confirmer que ce groupe a été renvoyé chez le fabricant qui a procédé à la réparation et que le 18 octobre, ce groupe a été confié à un transporteur pour retour auprès du client. D'accord. Donc, d'ici quelques minutes, j'aurai confirmation d'un numéro de suivi du transporteur attestant du fait que ce produit est de retour chez le client dans les jours à venir. Je n'ai pas plus de détails pour l'instant. Voilà. Alors, on a mis, au total, il y a eu un mois de délai entre le moment où le client a eu un problème et le moment où il le récupère à son domicile. Donc, Vincent, vous voyez que votre groupe électrogène va arriver dans les jours qui viennent. Bon, mais c'est une bonne nouvelle, c'est bien. Voilà. Donc, après... Un mois, c'est un délai qui est quand même raisonnable, Maître Novakovic. Oui, un mois, ça va, si on est certain qu'ils reçoivent effectivement ce groupe maintenant. Bon, eh ben c'est parfait, monsieur, voilà, c'est pour ça qu'on vous a dérangé, vous nous donnez l'explication, donc tout va bien. De notre côté, tout va bien, surtout qu'il aurait été préférable pour notre client de prendre contact directement avec nous, car nous avons la possibilité de donner ou de prêter des groupes de dépannage. Ben alors ça, je comprends pas. Justement pallier à la demande ou au problème du client lorsque c'est un usage professionnel. Vincent, pourquoi vous n'avez pas fait appel à la marque ? Moi, par rapport à ce site, moi j'ai eu des correspondances par email. Après, effectivement, je connais pas toutes les possibilités qui sont offertes aux clients et jamais aussi non plus de leur côté, il y a eu cette proposition de me dépanner en groupe électrogène. Vous n'y avez peut-être pas proposé, ne le savez pas, monsieur, parce que quand vous avez reçu les mails disant il est en panne, qu'est-ce que je fais, etc., peut-être qu'on aurait pu lui proposer à ce moment-là. Tout à fait. Bon, c'est pas grave. D'où l'usage du téléphone, ça facilite beaucoup les relations humaines. Bien sûr. Mais ça aussi. C'est moins que ça. Vincent, mais est-ce que vous avez cherché à appeler, Vincent ? Ah bah moi, je les ai contactés dès que c'est tombé en panne. Oui. C'est jamais simple de réussir à les contacter via la plateforme et le numéro commun. Après, effectivement, tout s'est passé par mail. Bon, ok. Alors, on ne va pas épiloguer. Ce qui compte, c'est que tout ça rentre dans l'ordre, Maître Novakovic. Oui, il y a juste une petite question que les auditeurs et nous-mêmes pouvons nous proposer. C'est pourquoi est-ce que sur le site, monsieur, il y a marqué qu'il y a 350 SAV en France ? Alors qu'apparemment, le SAV est en Espagne. Non, c'est parce que là, ils n'ont pas su le réparer dans le SAV. Il a dû repartir chez le fabricant. Le SAV, il n'est pas en Espagne. D'accord. C'est le fabricant. C'est celui qui fabrique les groupes électrogènes. C'est ça, monsieur ? Et quand le SAV... Hein ? C'est ça ? C'est exactement ça. D'accord, bon. Parfait. Eh ben merci. Ben voilà, on a toutes nos réponses. Ben merci monsieur. En tout cas, moi j'apprécie. Vous nous parlez, vous réglez le problème, la vie est belle. Bravo à vous. Vous êtes un pro. Merci monsieur. Je vous en prie. Merci Capitole. Vincent, vous m'appelez semaine prochaine pour me dire que vous avez bien reçu ça. Est-ce qu'on aurait une alerte dans une seconde sur... Ou sur le cas numéro 1, le voyage avec Cécile. Oui, qu'est-ce qu'on aura ? Donc on aura les gens d'Air France. Julien, vous avez demandé d'appeler. Parler. Super, on rappelle ce qui est arrivé à Cécile. Cécile est partie en voyage, son vol en retour a eu 6 heures de retard. La compagnie l'a bien indemnisé, mais pas son fils, alors qu'ils étaient dans le même avion. Eh bien oui, alors là, évidemment, quand ils arrivent, effectivement... Ah non, on va changer, je parle à mon Xavier Kassovitch. J'ai très envie, parce qu'on devait partir sur un titre là, de musique, et je viens de choisir à la dernière minute un autre, vous voyez. On va partir sur Madness. Mettez-moi un peu de Madness, s'il vous plaît, et quelques cacahuètes pour Maître Novakovitch. Amadeus, mettez-nous How Rouse. Écoutez-moi ça. Ah, j'adore ce démarrage. Donc, dans quelques instants, nos amis d'Air France vont nous donner une explication. Certains passagers, à cause du retard, sont remboursés pour des raisons techniques. Et d'autres ne le sont pas parce qu'il y aurait eu une urgence médicale qui apparemment n'a pas eu lieu. Ça fait beaucoup pour nous sur RTL. Voici donc Madness qu'on a eu. On était une centaine de privilégiés que l'on a pu voir dans le grand studio lorsqu'ils avaient chanté ceci. Father West is Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. A crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Someone tells you that you've got to move. In the middle of our street. them up with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Alerte. Et nous revenons, je crois, sur le cas donc de Vincent Sabarakafrit. Nous venons d'avoir celui qui lui a vendu le groupe électrogène, qui nous a expliqué que le service après-vente ne pouvant pas le réparer, c'est ce qui se passe d'ailleurs, l'envoie chez le fabricant en Espagne, ça fait un mois, mais là apparemment il serait de retour. Donc il va avoir son groupe électrogène dans les jours qui viennent, mercredi nous le rappellerons. Et il y a du nouveau, Hervé Pouchol. Alors on attend le numéro du bon de livraison, comme ça on aura vraiment une date précise. Mais moi je tenais quand même à préciser à Patrice Tourneur, qui avait quand même des frais de location en cours. Ce jeune homme vient d'ouvrir sa société, il les a prévenus qu'il était en panne. Eh bien, monsieur Tourneur de la société Capitouls prend en charge les 1032 euros de frais de location. Vous êtes là, Vincent ? Ah oui, tout à fait. Vous venez d'entendre ? Voilà. Restez client chez lui, il prouve que c'est un pro et que quand il y a un souci, il répare. Bravo à lui. Félicitations à Capitouls, c'est monsieur Tourneur. Donc Vincent, on se parle fin de semaine prochaine, vous me dites, ou celle d'après, que vous avez bien tout reçu, le paiement et le groupe électrogène, d'accord ? Très bien, bah merci de votre intervention. Je vous en prie. Dans quelques instants, Bernard, alerte maintenant, ça y est ? Oui, pour Air France, Julien, et pour le cas de Cécile. Cécile qui est partie en voyage et sur son vol retour, il y a eu 6 heures de retard. Elle a été indemnisée, alors, mais pas son fils. Je vais juste accueillir la personne, lui dire bonjour. Est-elle en ligne ? On l'a déjà eu, hein, Cécile. C'était juste le suivi de cas, Julien, de Cécile pour le cas de voyage, là, qu'on a commencé depuis 9h30. Oui, ça j'ai bien compris. Oui. On a quelqu'un d'Air France qui va nous parler ? Non, on a justement, j'ai une information à vous donner précise, mais je vous donnerai juste après la musique. D'accord. Ou la pub, c'est à vous de choisir. Attendez, faut juste que je note un truc, moi. Dans mes notes personnelles, pensez à renouveler l'équipe prochainement. Prendre des gens qui comprennent le tout. Voilà, vous avez fait une petite note pour cet après-midi, c'est un truc que j'ai fait. On ne s'était pas compris, Bernard. Excusez-moi. Mais ce n'est pas grave. Donc, dans une seconde, allons en savoir. C'est vrai en plus. Et ça fait maintenant quoi, 52 ans qu'il est sous antibio. A tout de suite sur RTL. Chérie, 70% de tickets Leclerc sur les tablettes, lave-vaisselle, finish, tout en un max chez Leclerc. Quelque chose me dit que t'en as pris. À ce compte-là, tu m'étonnes. Du 23 octobre au 3 novembre chez Leclerc, la boîte de 63 tablettes pour lave-vaisselle, finish, tout en un max est à 8,31€, soit 8,07€ le kilo. Avec en plus 70% de tickets Leclerc. Produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. 70% de tickets Leclerc. Ça fait 5,82€ sur la carte. J'ai calculé. Cuisine Aviva, c'est pour ceux qui sont à l'affût des meilleures affaires et pour ceux qui savent sauter sur la bonne occasion. Du 8 octobre au 20 novembre, Cuisine Aviva vous offre jusqu'à 6 électros. Alors, n'attendez plus et venez vite chez Cuisine Aviva. Voir conditions magasin et sur cuisine-aviva.com. Cuisine Aviva, garantie à vivre. À vous qui criez cocorico devant les produits du terroir. À vous qui voyez le monde plus beau en bio. À vous qui aimez les prix vraiment imbattables. Découvrez nos 3000 produits Netto qui répondent à vos besoins au prix les plus bas du hard discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Netto vous rembourse deux fois la différence. Modalité sur netto.fr. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais la tête en bas devant ton placard à chaussures ? Je me prépare aux offres renversantes de Besson Chaussures. Pendant les Best Only Days, ils font jusqu'à moins 50%. Moins 50%, c'est renversant ! jusqu'au 4 novembre selon quantité d'articles achetés, voire conditions et magasins participants sur besson-chaussures.com. Besson Chaussures, innovation Manae. Bouffée de chaleur, sueur nocturne, problèmes articulaires? Pourquoi la ménopause devrait-elle changer les femmes? Restez vous-même avec Manae Préménopause-Ménopause. Une formule exclusive sans aucune source d'hormones, à base d'oméga 3, de vitamines et minéraux. Et pour apporter confort et bien-être articulaire, Manae s'enrichit de curcuma pour préserver les articulations. Manae, l'innovation des laboratoires NutriSanté. En pharmacie et parapharmacie. Pour plus d'infos, rendez-vous sur manae.fr. Pour votre santé, bougez plus. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les selfies de Julie qui changent. Avec 200 euros de réduction sur la gamme de smartphones Galaxy S. 200 euros de réduction Julie. Et ben voilà, on a trouvé comment te faire sourire sur les photos. Et demain, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent 200 euros de réduction sur les Samsung Galaxy S. Et votre mobile change. Auchan. Offre valable les 24 et 25 octobre sur les Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8 Plus, S9 et S9 Plus. Offre cumulable avec les offres de remboursement Samsung en cours, voire conditions en magasin et sur Auchan.fr, kit main libre recommandé. Dites-moi, mon petit, vous savez où Akena fabrique ses vérandas? Oh non, madame Latsou. Eh bien, c'est en France, en Vendée même. Ah bon? C'est bien ça. Mais c'est exceptionnel, vous voulez dire? En plus, Akena est élu leader 2017 pour sa qualité de service par le magazine Capital. Ça vous épate, non? Je pourrais peut-être faire appel à eux. Je veux, mon neveu. Akena, c'est du service. Faites-moi confiance, il n'y a pas mieux. Akena, la reine des vérandas. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous revenons donc, Maître Fellonneau, sur cette invraisemblable histoire d'indemnisation que vous allez, je vous demande, en quelques secondes, rappeler à nos auditeurs. Eh bien, c'est une famille qui voyage dans le même avion. Les parents sont indemnisés à la suite du retard. Et le fils, qui était aussi dans cet avion, ne l'a pas été. Ce sont des motifs différents. Et au lieu de vérifier leur erreur et de constater leur erreur, eh bien, il signe, il persiste, il dit non, on est tout à fait conforme c'est à nos... C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire, ils auraient pu faire une erreur, mais là, sinon, c'est flagrant délit de mensonge pour moi. Alors, Bernard Sabat, on n'en est pas là. Vous avez peut-être du nouveau à nous donner, s'il vous plaît. Oui, on avait donc appelé le service client au 0892, qui nous a fait bifurquer sur un autre numéro qu'on appelait après 10h, Julien avec Charlotte. Et évidemment, même langage de la part d'Air France, il faut cliquer et répondre comme quoi vous contestez évidemment la version d'Air France, voilà ce qu'ils nous disent. Et entre-temps, au moment où je vous parlais, j'ai une personne d'Air France qui m'appelait sur mon portable, donc je vais discuter avec elle pour voir ce qu'il en est, parce que Air France a un système de veille, ils écoutent évidemment tout ce qui se fait sur la marque. Évidemment, pour eux, ça peut être préjudiciable. Donc je comprends que l'on puisse contester si, par exemple, on vous dit personne ne sera remboursé parce qu'il y a eu urgence médicale alors qu'il n'y a pas eu d'urgence médicale. Là, évidemment, on conteste sur monsieur, vous vous trompez. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez contester si la personne qui était assise à côté de vous est remboursée et pas vous? On vous dit non, vous ne serez pas remboursé. On peut toujours essayer de contester, c'est qu'il y a quand même une erreur, il y a un truc qui ne va pas. Avant même la contestation, il faut quand même regarder ce qui se passe. Alors moi qui utilise toujours cette compagnie, parce que je la pense sérieuse, ce qui m'inquiète quand même, elle l'est, bien sûr. Mais 6 heures de retard pour une urgence médicale, c'est-à-dire faire descendre un passager dans une ambulance, déjà en soi, ça me paraît curieux que ça prenne 6 heures et que ça puisse être assimilé déjà à un cas de force majeure. Donc il y a eu quelque chose pour expliquer ce retard. Les parents ont reçu un SMS avant même le décollage de l'avion disant on a des problèmes techniques, cet avion aura du retard. Donc il faut de la cohérence, il y a une erreur, c'est tout. Réparez-la, on ne demande pas quelque chose d'exceptionnel. Allez, j'espère que d'ici 11 heures, ça sera réglé. Merci beaucoup Bernard Sabat. Dans quelques instants, nous allons accueillir tout de suite d'ailleurs Céline, un nouvel auditeur. De qui s'agit-il? De Nelly. Eh bien, c'est pour vous, Maître Novakovic. Nelly est en ligne avec nous. Nelly, bonjour. Il y a quelques photos, me dit-on, sur cette enquête, sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Juste avant d'accueillir Nelly, je fais un rapide point sur cette belle opération. Nous sommes en train de faire en sorte d'avoir une mascotte dans l'émission. C'est un labrador noir, tout jeune. Il a à peine un an. Il s'appelle Napo. Et Napo, qui est la nouvelle mascotte de l'émission RTL, va aider une personne non-voyante. On le forme. Pour cela, il faut 25 000 euros. C'est très compliqué de former. Vous imaginez la responsabilité pour le chien qui doit connaître parfaitement tous les trajets, se mettre en travers au moment de traverser, etc. Et c'est une façon de dire, de manière régulière sur cette antenne, aimons les chiens, Arrêtons de les faire souffrir, de les enfermer comme on le lit tous les jours. Voyez que le chien peut donner sa vie pour nous. Donc merci de participer à cette cagnotte. Elle est sur Litchi. Elle s'appelle « Offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL » et on est à 8 841 €. Ah, une alerte. Alors on va revenir dans quelques instants sur la nouvelle auditrice. Je suis désolé Julien, c'est toujours le cas voyage avec Cécile. Je viens d'avoir la version d'Air France. L'erreur est dans l'autre sens. C'est tout simplement le couple, donc Cécile et son mari, qui ont été touchés. Exactement, parce qu'il y avait vraiment urgence médicale. Le règlement européen est très clair là-dessus. Il n'y a pas d'exemption dans ce cas de figure. On n'a pas à recevoir cette somme-là. Air France a reconnu son erreur, mais justement, à titre commercial, va rembourser aussi le fils de 600 €. Comme ça, le dossier est clôturé. D'accord, voilà. Mais ils n'ont pas demandé non plus à rembourser. Mais aucun des autres passagers n'a été remboursé. C'est une erreur qui a été faite par la personne d'Air France qui gérait les litiges et qui a remboursé le couple en question. Voilà, je vous donne la version officielle d'Air France, on va même la donner à l'instant et la personne vous écoute. Mais on les croit, il n'y a aucune raison de ne pas les croire. Donc Maître Felono, voilà, c'est parfait. Ben oui. Bon, écoutez, tant mieux. On s'en contente. Tout ce qui compte, c'est voilà, on n'est pas un tribunal. Hein. Si après vous voulez en savoir plus, etc. Effectivement, ça se passe devant un juge. Et on n'est surtout pas un tribunal. Il y a d'excellents juges en France, une excellente justice qui mériterait d'ailleurs un peu plus de budget. Bon, est-ce que ça vous convient, Cécile? Bah écoutez, tout à fait. J'ai été victime d'un bon concours de circonstances. Je remercie Air France de s'être trompée pour moi. Ce qui me permettra de bénéficier... on a quand même tout de même eu un préjudice relativement long, d'attente relativement longue. En tout cas, je suis satisfaite. Bon, c'est parfait. Ce qui comptait, c'était ça. On appelle Air France. Et encore une fois, j'en reviens à tout ce que je dis sur les grandes compagnies. Quand je nomme souvent du AXA, du Generali, de la Poste, etc., quand on appelle ces boîtes-là, quand on appelle en haut lieu, tout de suite, le problème est résolu parce qu'ils veulent avoir une politique de client 100% satisfait. Écoutez, tant mieux. Merci Bernard. Juste un petit point. Donc Cécile, vous allez raccrocher Air France va vous appeler directement. Voilà, merci Cécile. Très bien, merci. Gros bisous, affaire résolue. Au revoir. Tiens, en parlant d'Air France, je crois que je ne sais plus si c'était un vol Air France, j'ai trouvé cette vanne qui doit être, à mon avis, très connue et elle doit être souvent faite dans les avions. À un moment donné, je crois que c'est le pilote ou le chef de cabine qui prend donc le micro et qui fait « Mesdames et messieurs, nous survolons actuellement, pour ceux qui sont à gauche de l'appareil, le Mont Saint-Michel. Pour ceux qui sont à droite de l'appareil, en regardant à gauche, vous verrez la rangée de droite. » J'ai trouvé ça, etc. Mais on ne l'a pas vu venir. Elle était exceptionnelle. Donc, nous allons du coup marquer peut-être une petite pause. Et après, nous allons revenir sur notre auditrice Nelly. En deux mots, que nous dira-t-elle? Elle appelle pour sa maman de 83 ans qui a acheté un appartement, 100 000 €, et ça devait être livré en décembre dernier. Ah ben c'est presque, on pourrait presque rendre hommage à Charles Aznavour. Il y a les photos qui sont sur le Facebook, sur la page « Ça peut vous arriver ». J'habite seul avec maman. Dans un appartement qui est en cours d'achèvement. C'était une vente en l'état de futur achèvement. Très exactement, il n'est pas du tout achevé l'appartement. A tout de suite. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Lui aussi, il aime les dames, et surtout dans la cuisine. C'est Dave, cuisinez-moi. C'est le titre de son nouveau livre. Nous allons donc le cuisiner dans La Bonne Heure et le mettre sur le grill. La Bonne Heure sur RTL, c'est à 11h. À tout à l'heure. Leclerc. Chérie, l'auto Leclerc fête ses 30 ans. Vite, les clés de la voiture. Quoi, là tout de suite? Avec des super promos sur des grandes marques d'équipement auto et sur les pneus, on fonce. Il y a un grand jeu avec à gagner des cartes cadeaux de 10, 20, 30 et 50 euros et une Renault Clio Trend. Et tu me dis ça comme ça? Du 23 octobre au 10 novembre, venez profiter d'offres exceptionnelles et participer au grand jeu anniversaire des centres l'auto Leclerc. Voir modalité sur www.auto.leclerc ou à l'accueil des magasins participants. L'auto Leclerc fête ses 30 ans. Allez, allez, on est parti. So Cook, cuisine équipée. Un premier rendez-vous, un deuxième, un troisième, et je l'ai quand ma cuisine? Chez So Cook, c'est simple. En un clic, je choisis mon jour et mon heure sur socook.com. Et hop, en magasin, j'ai tout en un rendez-vous. Mon plan, mes vues 3D et mon devis détaillé. Et ça, c'est so simple. So Cook, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Intermarché vous propose d'écouter 3,50 €. Jeanne. Non, jaune. Jeanne. Non, jaune. Jusqu'au 4 novembre, chez Intermarché, le pack de 16 yaourts aux fruits jaune. Jeanne. Panier de Yoplait est à seulement 3,50 € avec en plus 30% d'avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 16 x 125 grammes, soit 1,75€ le kilo. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Non, je suis très content d'être à la retraite. Ça me fait juste bizarre de me dire qu'un jour, il va falloir que je laisse cette maison. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, parce que c'est la vie. Le contrat SMA de Prévoir, tu connais pas. Solution maintien autonomie. Tu fais venir un conseiller Prévoir chez toi gratuitement. Vous trouvez ensemble les solutions adaptées à tes besoins. Et après, chez toi, tu kiffes la life. Je quoi? Bah, tu profites de la vie. Et c'est mon petit-fils qui m'a appris ça. Ah. Prévoir, c'est plus de 20 ans d'expertise dans l'assurance perte d'autonomie. Rester autonome, c'est Prévoir. Tous les renseignements sur prévoir.com. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Ah, le patron, tron. C'est quoi cet écho? Ah, ça, il va y en avoir de l'écho. Dès demain, les deux moelleux au fromage à raclette et à l'emmental, 150 grammes chacun, sont à 3,79€. À combien ces deux moelleux? Redis-moi-le. Je répète, à 3,79€. Et moi, c'est moelleux, ben, je vais avoir du mal à y résister. Et moi, quitte à te le répéter, je te dis, on est mal. Mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 12,63€ le kilo, produit transformé en France. Offre valable jusqu'à épuisement des stock. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL, nous parlions histoire avec Maître Félonneau et peut-être que c'est la présence de Stéphane Bern qui va arriver dans 30 minutes et on aime beaucoup partager là-dessus. 9 033€ pour la cagnotte. Merci pour Napo, la mascotte de l'émission. Et nous allons avoir Nelly dans une seconde. J'en profite juste pour vous dire, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, tiens, je vais donner un coup de pouce à ce jeune, je n'ai aucun intérêt là-dedans, qui a déposé un brevet. C'est une bande que vous mettez sur votre casque, d'accord? Donc vous la posez, elle se voit à peine. S'il vous arrive un accident, n'importe qui avec son portable en flashant cette bande aura immédiatement accès à votre groupe sanguin, la personne à prévenir, si vous êtes asthmatique, etc. Donc quand les pompiers arrivent, ou vous-même, vous gagnez un temps fou, parce que si la personne est inanimée, imaginez tout ce qu'on gagne comme temps, on sait tout de suite son groupe sanguin, etc. Alors voilà, il a déposé ça, ça s'appelle le réfléchissant. C'est une technologie de pointe au service de la sécurité routière. Et bien écoutez, lui, je sais qu'il développe pas ça dans un magasin qui s'appelle Urgence Scooter à Grenelle, mais on a allant taper le réfléchissant, vous trouverez évidemment Simply Safing, toutes les coordonnées pour avoir cet autocollant, les motards sur votre... Et puis ça marche aussi, je pense, avec les trottinettes sur tous les casques. Oui. Voilà, un petit coup de flash, on a tout de suite toutes les coordonnées. Voilà qui est fait. Nous allons donc maintenant écouter le romantique de service, le grand Marc Lavoine qui m'a dit aimer l'émission. Maître Novakovic et Maître Félonneau, je pense qu'ils vous aiment plus que moi, mais j'ai pris ça aussi pour moi, donc ça m'a fait plaisir. Comme je t'aime, sur RTL. Mais avant de partir, j'écris quelques mots, un dernier souvenir, et j'ai le cœur gros. Non, je n'écrirai plus jamais après toi, puisque je t'ai perdu, comme on perd la foi. Mais avant de partir, de fermer la porte, le dernier souvenir que la vie emporte, comme une lettre, un soupir, glissé sous la porte. Un au revoir, en quelque sorte. Comme je t'aime, et je t'écris comme je t'aime. Soudain je pleure comme je t'aime, et je t'embrasse comme je t'aime. Mais avant de partir, dernier souvenir, la fête est finie. Non, je ne reviendrai plus jamais sur mes pas, comme un enfant perdu, sans vie qui s'en va. Mais avant de partir, de faire mon bagage, le dernier souvenir du dernier visage, comme une lettre, un soupir pour le grand voyage. Je ne peux pas tourner la page. Tu savais comme je t'aime, et je t'écris comme je t'aime. Soudain je pleure comme je t'aime, et je t'embrasse comme je t'aime. tu savais comme je t'aime. Alors Hervé Pouchol est allé, parce qu'on tient, quand on diffuse comme ça plein de titres, à ce qu'au moins un membre de l'équipe puisse aller voir pour en parler. Et vous avez vu Marc Lavoine à la grande scène musicale et vous avez adoré. Je me honnêtement suis régalé. Ça dure 2 heures, un public extraordinaire, ses textes d'enchaînement sont extra, et Marc Lavoine est non seulement un chanteur formidable, mais un comédien hors pair. Ah bah je suis fan. Eh bien voilà, il doit être content, Marc, d'entendre tout ceci. Nelly, c'est à vous maintenant, on y va, c'est parti, parce qu'elle en a marre d'attendre. Nelly, soyez la bienvenue. Oui, bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Alors déjà Nelly, première parenthèse, si tu savais comme je t'aime. Maintenant, vous pouvez raconter l'histoire. Eh bien voilà, je vous appelle du département de l'Isère. Ma mère, qui est aujourd'hui âgée de 83 ans, a fait l'acquisition d'un appartement, donc comme vous le précisiez, en VFA, donc en futur état d'achèvement, en novembre 2016. Avec une livraison prévue au contrat au plus tard au 31 décembre 2017. Et à ce jour, 23 octobre 2018, l'appartement n'est pas livré. La résidence est toujours en chantier. Et puis, il n'y a aucune activité sur le site. Donc, apparemment, les travaux semblent arrêtés. Et surtout, ma mère n'a aucune information du promoteur quant à une prochaine livraison. Maître Novakovic, ça s'est quand même bien calmé. Il faut dire les choses comme elles sont, parce que vous vous rappelez que ça a fait les grandes heures de l'émission, sans aucun doute, où l'on avait des jeunes couples qui, 3 ans après avoir payé leur appartement, n'avaient rien. Il y avait que des fondations, où il n'y avait pas les portes, et les promoteurs étaient plantés. Donc ça s'est quand même un peu calmé, on en a moins. Mais là, quand même, mince, quand on a besoin d'un appartement comme ça, comment fait-on ? Oui, alors, c'est dramatique, surtout que, en fait, sa maman est âgée de 83 ans, elle avait 81 ans, elle attend toujours son appartement. Et le pire, ce n'est pas là, c'est qu'en fait, la société a adressé une lettre commandée, donc, à celle-ci, pour lui indiquer que, malheureusement, il y avait 3 sociétés qui étaient sur la société, enfin, qui étaient sur le chantier en liquidation judiciaire, et 2 qui ont abandonné le chantier. Donc, on est très, très mal dans ce dossier. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'ils donnent leurs explications claires, savoir quand est-ce qu'effectivement elle pourra récupérer son appartement. Je me demande dans quelle mesure, quand les communes vendent les terrains, etc., enfin, comment peut-on faire pour que, au moins, toutes les sociétés qui viennent soit passé au crible, notamment au niveau des assurances, pour que, quoi qu'il arrive, les gens soient au moins remboursés, qu'ils puissent quitter ce chantier, qu'ils puissent quitter cette voie. Ou être indemnisés et trouver une location le temps que, effectivement, ce soit terminé. Alors, nous allons appeler, donc il y a eu l'excuse, c'est peut-être vrai, un glissement de terrain, etc. Mais vous avez, JB, enquêté, vous avez d'autres informations à nous donner ce matin sur RTL. Et oui, j'ai pu joindre notamment le sous-traitant qui s'est occupé de la partie gros œuvre du chantier de la mère de Nelly. Écoutez bien ce que ce monsieur a à nous dire. En fait, j'ai 3 projets en cours avec lui. Bien évidemment, c'est toujours les dernières factures qui ne payent pas. Et là, aujourd'hui, j'arrive à une somme, en cumulant les 3 chantiers, à plus de 400 000 euros de factures impayées. Alors, 400 000 euros, vous avez bien entendu. Attendez, c'est un plombier ? Non, c'est un maçon. Un maçon. Celui qui s'occupait du gros œuvre. Et il a 400 000 euros d'impayés. 400 000 euros. Pas sur ce chantier seulement, sur plusieurs chantiers. Mais avec le même promoteur. Donc, 2 sous-traitants n'ont pas été payés par ce promoteur. On l'a entendu tout à l'heure avec Sylvie. Au point même que certains d'entre eux ont dû mettre la clé sous la porte. Ce monsieur m'a aussi appris que la copropriété voisine envisageait de lancer une procédure car ce promoteur aurait fait construire un mur de soutènement pour retenir les terres au niveau de l'immeuble, sans aucune demande d'autorisation. Et pour ne rien arranger, l'inspection du travail aurait aussi mis son nez sur ce chantier, car il n'y aurait apparemment ni sanitaire, ni eau, ni électricité, ni cabane de chantier. Ouais. Ça fait beaucoup. Nous allons donc appeler dans quelques instants. Mais alors là, Nelly, franchement, je vais être honnête avec vous, ça va être super compliqué, parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'impayé, qu'il y a du dépôt de bilan à tout va. Voilà, on va faire ce qu'on peut, Nelly, mais c'est peut-être devant un juge que ça va avancer. Mais allez, on se garde quand même l'espoir d'appeler ce monsieur pour qu'il nous donne sa version des faits. Et il me tarde d'ailleurs de savoir ce qu'il va nous répondre quand on va pouvoir exposer tout ce que JB a pu trouver dans ce dossier. N'hésitez pas, vous vivez la même situation, appartement non livré. C'est maintenant qu'il faut appeler au 3210 ou Facebook, la page ça peut vous arriver. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Ah, le patron, ils ont la grosse tête. Lidl ? Je le savais. Oh mais non, les chrysanthèmes. Dès demain, le grand pot multifleur ou le pot de 5 grosses têtes au choix est à 3,29€. 3,29€ le chrysanthème ? Ah là, on n'a pas de pot. Ah si, en pot de 17 cm et coloris au choix. Je vous en ramène un gros rouge. Rapport à ma grosse tête, c'est ça ? Là, t'es mal, mais alors t'es très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. So Cook, cuisine équipée. Un premier rendez-vous, un deuxième, un troisième, et je l'ai quand ma cuisine. Chez So Cook, c'est simple. En un clic, je choisis mon jour et mon heure sur socook.com. Et hop, en magasin, j'ai tout en un rendez-vous. Mon plan, mes vues 3D et mon devis détaillé. Et ça, c'est so simple. So Cook, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Pourquoi inviter ses clients au Stade de France? Marc Dubois, dirigeant d'une PME dans le secteur du bâtiment. Disons que le choix s'est imposé de lui-même. J'adore le rugby et son côté convivial. J'avais envie de partager un moment unique avec mes clients en les invitant en VIP sur un match du tournoi. C'était l'occasion de les remercier et maintenant on se tutoie et notre relation est beaucoup plus forte. Vous souhaitez fidéliser vos clients ou développer votre réseau? Le Stade de France a la solution adaptée à votre besoin. Retrouvez nos offres sur stadefrance.com. Stade de France, accélérateur de business. Oh non mais les ados, ma fille le week-end dernier qui me dit que c'est plus une enfant, qu'elle veut plus d'autonomie. Ah classique, et t'as fait quoi alors? Je lui ai prêté mon Huawei Mate 20 Pro avec ses deux jours d'autonomie. Ah t'es bête. Du 16 au 25 octobre, la Huawei Watch GT avec ses 15 jours d'autonomie d'une valeur conseillée de 199€ est offerte pour toute précommande d'un Huawei Mate 20 Pro. Autonomie testée dans les conditions normales d'utilisation d'AS 0,40 watts. Modalité de l'offre sur huawei-offre.fr. Bonjour, bienvenue chez Comme J'aime. Menteur, menteur, ça marche pas votre truc. Madame, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à y croire, et pourtant, je vous assure que Comme J'aime, ça marche. Vous avez déjà essayé? Bah non. Alors justement, c'est pour les personnes aussi sceptiques que vous que nous proposons de tester une semaine gratuite. Bon, si la première semaine est gratuite, je veux bien essayer. Ah, très bien. Je vous envoie le colis et on en reparle la semaine prochaine. Vous verrez, ça marche. Appelez le 0800 507 507. 0800 507 507. Condition de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. C'est le moment. Le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors, fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Il y a donc ces appartements que l'on peut acheter en VEFA, vente en l'état futur d'achèvement. Ce sont donc, Maître Novakovic, des appartements que l'on achète sur plan. On paye, puis on attend que ça sorte de terre. Et là, c'est sorti de terre, mais un peu n'importe comment. On a eu donc une enquête de JB qui nous prouve qu'il y a beaucoup d'artisans qui ont même fermé la porte parce qu'ils n'étaient pas payés par le promoteur. Un mur construit alors qu'il n'aurait pas dû l'être, sans autorisation. L'inspection du travail qui vient jeter un coup d'œil. Et la pauvre Nelly et sa maman de 81 ans qui a placé ses économies dans l'achat de cet appartement, qui se demande quand est-ce qu'elle va l'avoir. Elle a payé déjà 101 095 euros. Voilà, plus de 100 000 euros donc versés par Nelly, qui est très très inquiète. Allez, c'est parti, nous appelons maintenant. C'est encore une fois l'occasion pour ce monsieur de nous dire, vous dites n'importe quoi et je vais vous le prouver par A plus B. Il aura tout le temps pour contredire tout ce que nous avons dit sur cette antenne. Nous sommes du côté du département 38. Et à ce premier numéro qui est un portable visiblement, qui est celui du gérant. Aucun message ne sera enregistré. La boîte vocale est pleine. Bon, ça déjà, ça commence bien pour un promoteur qui serait à la tête de combien de sociétés? Il y en a énormément. Hervé, je crois que vous avez enquêté un peu là-dessus. Il est gérant de 14 sociétés. Pas mal. Alors, ça c'est pour le premier. Le deuxième, c'est le commercial, je suppose. C'est ça, exactement. Voyons si le commercial répond. Mais c'est ce monsieur qu'il nous faut, nous, le premier. Allô, allô? Oui. François? Oui. Bonjour François, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Monsieur Mita, je vous appelle car on essaie de savoir ce que va devenir cette résidence aquarelle à la Côte-Saint-André. J'ai une auditrice de 80 ans qui a placé ses économies là-dedans et qui est un peu inquiète. Où en est-on? Ah ben les travaux vont repartir, on nous a piqué les compteurs de chantier, donc EDF doit intervenir le 5 et après tout repart. Bon, il paraît qu'il y aurait, mais je mets ça au conditionnel, des artisans, notamment un maçon qui n'a toujours pas été payé, qui sont plantés, certains ont fermé. Non mais ça n'a rien à voir avec nous, après... Ah ben un peu quand même, parce que c'est vous qui les payez, non? Moi je suis juste commercial, moi je ne connais pas les antécédents, qui a travaillé, qui a déposé... Est-ce que vous voyez monsieur Jeannet régulièrement? Oui, bien sûr. Bon, alors parce qu'on essaie de le joindre, mais sa boîte vocale est pleine. Pouvez-vous demander à Nicolas Jeannet de bien vouloir nous rappeler pour nous aider un petit peu à avancer dans ce dossier et rassurer les habitants ? Non, mais qui se rassure ? Il n'y a pas de... Mais non, ils ne sont pas rassurés, monsieur. Mais monsieur... Vous pouvez, oui. Je comprends que vous me disiez qu'il se rassure, mais c'était censé être livré quand, monsieur ? Je pense qu'il y a eu des retards. Donnez-moi une date. Facilité. Non, mais donnez-moi une date, juste. Ça devait être livré quand ? Je ne sais pas quand est-ce que ça devait être livré. Alors, moi, Nelly. Je peux vous dire quand ça va être livré. Nelly, quand est-ce que ça devait être livré ? Le 31 décembre 2017. Alors, le 31 décembre 2017. Donc, mettez-vous à la place de celui qui met 100 000 euros... pour un appartement, oui. Et le 31 décembre 2017, là on va être le 31 décembre 2018 bientôt, et il n'a rien, donc il est inquiet. Donc vous vous dites, vous vous engagez à le livrer quand ? Nous, normalement, c'est prévu la livraison, là, d'après ce que je sais, moi, hein, parce qu'il n'y a pas très longtemps que je suis commercial, oui. C'est le premier semestre 2019. D'accord, premier donc, semestre, ça nous amène jusqu'en juin. Comment ? Ça nous amène jusqu'en juin, juin 2019. Et... Apparemment, d'après ce que je sais par rapport aux conducteurs de travaux, ça sera comme ça que ce sera fait. Bon, parce que voilà, il faut vraiment que ce monsieur Jeannet nous rappelle, parce qu'il y a aussi une histoire d'inspection du travail, une histoire de mur qui a été construit sans autorisation, un mur de soutènement, il y a plein de choses dans ce dossier qui sont très inquiétantes. Non, mais dites pas non, monsieur. Les gens, ils racontent n'importe quoi. À partir du moment où les travaux... tout est en règle, d'après ce que je sais. Donc après, Léon dit... Donc alors si j'appelle le maçon, là, monsieur, qui nous dit qu'on lui doit sur plusieurs chantiers 400 000 euros, si je le prends sur l'antenne, vous allez me dire qu'il ment ? Moi, j'en sais rien. Eh ben alors, si vous n'en savez rien, monsieur, je préfère que vous me disiez, je n'en sais rien. Je suis mais que commercial. Monsieur, écoutez-moi une seconde, monsieur. Vous n'êtes que commercial. Si vous n'êtes que commercial, arrêtez de dire, vous dites n'importe quoi, ces gens-là racontent n'importe quoi, puisque vous ne savez pas, vous n'êtes que commercial. Donc arrêtez de dire, c'est pas vrai. Parce que moi, je les ai, les preuves. On entend toujours, vous savez, mais dans les villages, oui, ça raconte tout et n'importe quoi. La seule chose où on ne dit pas n'importe quoi, c'est qu'il va y avoir un an de retard et que pour l'instant, je vous dis, l'inspection du travail, elle est sur le coup, hein, je vous le dis tout de suite. Donc je ne sais pas si vous avez vendu tous les appartements. Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Alors, est-ce qu'il est prévu une indemnisation compte tenu de ce retard, les intérêts de retard, etc. Moi, j'en sais rien du tout. Voilà. Donc ça, c'est une chose à voir. Vous l'avez signé, je ne sais pas du tout. Il faut vous adresser au patron. D'accord. Bon, alors écoutez, merci, monsieur Meta. Merci beaucoup. On va directement lui parler. Tous les appartements ont été vendus dans la résidence ? Non, pas encore. Bon, alors, prudence, si vous achetez du côté de la résidence quand même, qui s'appelle la résidence Aquarelle, qui est avenue Jonquide à la Côte-Saint-André 38, prudence avant d'acheter. Merci, monsieur. Donc, nous lançons à partir d'aujourd'hui un appel à Nicolas Jeannet et nous ferons un point une fois, deux fois par semaine avec photo à l'appui, si Nelly peut en faire, de l'avancée du chantier. Ce monsieur semble nous dire, ça sera fait juin 2019. On essaie quand même, Charlotte, d'avoir peut-être le maître d'ouvrage, s'il vous plaît. Allez-y, appelez-le, vous me faites une alerte dès que vous l'avez. Dans une seconde, nous ferons la farandole. Est-ce qu'après, il y a un petit dossier, une règle d'or, peut-être, avec Maître Novakovic ? La règle d'or sur RTL. Est-ce qu'on peut, après, vous êtes une grande spécialiste du pénal, aller fouiner de ce côté-là où ça ne sert à rien ? Alors, dans ce dossier, je ne crois pas qu'on puisse aller regarder du côté pénal. Le maître d'ouvrage, sauf... Sylvie, le maître d'ouvrage, je vous reprends. Oui, monsieur, allez-y. Je vous passe. Bonjour, monsieur, le maître d'ouvrage. Bonjour. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Vous êtes monsieur Dos Santos ? Tout à fait. Monsieur Dos Santos, on voulait savoir quand est-ce que serait livrée, d'après vous, la résidence Aquarelle à la Côte-Saint-André ? Fin du premier trimestre 2019. Fin du premier trimestre, c'est-à-dire mars ? Oui, fin mars. D'accord. Est-ce qu'il y a un problème d'un mur qui aurait été fait sans autorisation ? J'ai entendu ça. J'ai bien un mur de quoi ? Un mur de soutènement. Un mur de soutènement, vous êtes au courant ? Il y a un mur de soutènement, oui, qui a été réalisé. Sans avoir l'autorisation. Sur une copropriété. D'accord. Et est-ce qu'il est vrai également, monsieur, qu'il y a le maçon ? Sans autorisation, oui. Non. J'ai une autorisation de la copropriété pour terrasser chez eux. Sur lesquels ils étaient surpris, mais rien de plus. Et le maçon a été payé ? Le maçon a été payé, oui. Pourquoi ? Parce qu'il semble dire qu'il a une énorme ardoise avec le promoteur aquarelle, la Côte-Saint-André. Et qu'il y aurait d'autres artisans qui auraient des grosses ardoises. Alors, du tout. Le maçon nous a signé au tribunal, il a été débouté de ses demandes. D'accord.

la société JK Promotion sera répondra à, par rapport à ce que nous on demande. Sur la société, Résidence Aquarelle, vous n'avez pas été payé de combien, vous ? C'est ce que vous, combien dites-vous, Monsieur Dos Santos ? Alors, nous, on a plusieurs situations de travaux. J'ai les chiffres. J'ai 56 093 euros à nous régler. D'accord. Bon, et ça, vous le contestez, Monsieur Dos Santos ? Sur la Résidence Aquarelle. Mais dites combien exactement ? 56 000 sur Aquarelle. 56 000, non, du tout. D'accord. Non, mais bien sûr, de toute façon, je peux vous envoyer le jugement. Ah oui, mais avec plaisir. On va l'avoir des deux côtés, mais apparemment, ça va passer au fond. Ça va passer au fond. Expliquez-nous, Maître Novakovic. Oui, en fait, le juge des référés est le juge de l'évidence. Donc, s'il y a une évidence, le juge, effectivement, comme peut par exemple demander une expertise, etc., il n'y a pas de souci pour que le juge soit compétent. Par contre, quand on demande le paiement d'une facture et qu'en face, c'est contesté, là, le juge renvoie vers les juges du fond. Mais envoyez-nous avec plaisir, monsieur Dos Santos, on le lira demain. Envoyez-nous avec plaisir. Je vous donne le mail, comme ça on peut le lire demain. Votre mail. Ça marche. Bon, vous, monsieur Quiroga, vous avez arrêté de travailler sur cette résidence, du coup ? Alors, tout à fait. Donc, on a suspendu les travaux depuis plusieurs mois, puisqu'on a demandé une garantie de paiement à cette société. Oui. Nous avions donné à notre avocat, qui est en possession, qui a informé la partie adverse que nous avions la garantie de paiement. Donc, ça a été réglé. Mais alors, vous ne devez rien du tout à M. Quiroga, M. Dos Santos, pour vous. Aujourd'hui, j'ai une garantie de paiement. Je ne dis pas que je ne dois rien. Je dis juste qu'aujourd'hui, j'ai un maçon qui a suspendu ses travaux, qui n'a pas suspendu, qui a déserté le chantier. Mais combien. Alors, attendez. Ne parlez pas tous en même temps. Vous avez commencé à travailler quand, M. Quiroga, sur le chantier ? La première fois où vous êtes venu ? Alors, c'était en fin 2016. Il est venu fin 2016, il a commencé à travailler. Est-ce que vous avez touché un centime depuis fin 2016 ? Oui, bien sûr. D'accord. Au fur et à mesure qu'on avançait... Bon, qu'est-ce qu'il vous reste ? C'est pour quelle période que vous estimez avoir besoin d'argent ? Alors, non, c'est une facture qui est de février et mars 2018, qui ne sont pas payées encore. Et puis, on a des dépenses... communes, c'est-à-dire des dépenses d'électricité et d'eau, et tout ce qui était installation de chantier, puisque l'entreprise GK Promotion nous doit plus de 5 factures de ces dépenses-là, justement. Étant donné qu'il ne réglait plus... Petite information, GK Promotion n'a rien à voir dans cette chose, c'est une SSCV, SSCV Aquarelle. C'est la même chose, c'est le promoteur qui n'a rien à voir, ce n'est pas la même société. Ne confondons pas les sociétés, s'il vous plaît. Alors, pourquoi vous parlez de cette société, monsieur Dos Santos ? Comment ? Pourquoi vous parlez de cette société ? Bah là, on parle de la SSCV. Je parle à monsieur Dos Santos. Monsieur Dos Santos, il dit que vous vous trompez de société. Pourquoi dit-il ça ? Monsieur Dos Santos ? Oui. Oui, alors... Monsieur Quiroga, je me suis trompé. Je suis désolé. Monsieur Quiroga, pourquoi vous parlez de cette société ? Monsieur Dos Santos dit qu'elle n'a rien à voir. Parce que la société GK Promotion, c'est la société de promotion. La société civile immobilière, c'est la SCCV Aquarelle. D'accord. Celle qui me paye aujourd'hui, c'est la SCCV Aquarelle. L'entreprise de maçonnerie. Bien. A signé avec la SCCV Aquarelle. D'accord, ok. A signé avec la société GK Promotion. On va demander à monsieur Nicolas Jeannet vraiment de nous rappeler. Merci en tout cas, monsieur Quiroga, de nous avoir donné vos arguments. Merci, monsieur Dos Santos. Vous m'envoyez le jugement, monsieur Dos Santos, qu'on puisse le lire demain sur l'antenne. Et puis, il nous faut vraiment avoir ce monsieur Jeannet. Nelly, on revient sur ce dossier dès demain sur l'antenne d'RTL. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une bonne nouvelle à annoncer pour finir l'émission rapidement ? Dites-moi, Alain Hazard, déjà la cagnotte, nous en sommes à 9567 pour aller à 25 000 pour ce toutou qui est, je vous le rappelle, l'emblème de la protection des chiens, de l'amour que l'on a pour les chiens. Il s'appelle Napo, nouvelle mascotte labrador de l'émission qui va aider une personne non-voyante et qui sera à ses yeux. Voilà, et après, comme ça nous permettra de parler des chiens régulièrement sur l'antenne d'RTL. Hervé, une alerte de dernière minute ? Concernant la baraque à frites, vous savez, de notre ami Vincent, deux bonnes nouvelles. Il va recevoir son groupe électrogène cette semaine et je vous le rappelle que le gérant a pris en charge les frais de location. Bravo Capitoul, à Cerise, des gens sérieux. En ce moment dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Karim demande à une responsable du rayon frais. Je suis un peu pressé, vous auriez un bon jus de fruits ? Le pur jus réfrigéré innocent, pomme framboise, pomme mangue ou pomme poire pêche. Pour une bouteille de 900 ml achetée, la seconde est offerte, soit les deux bouteilles à 1,99€. 1,99€, vous savez aussi presser les prix.